Retiens-tu la nuit? Non, j'entends rien du tout. Il faut attendre les 16 temps. Yes. No. J'entends les travaux jusqu'ici, moi. T'entends? T'entends pas? Je mets la main devant, tu entends moins. J'entends les travaux chez moi. C'est ça que tu entends, non? Mmh.